Si un ouragan se dit un huracán, H-U-R-A-C, accent aigu N, et détruire, destruire, D-E-S-T-R-U-I-R, comment traduiriez-vous « cet ouragan peut détruire votre maison »? Este huracán puede destruir su casa. Este huracán puede destruir su casa. Huracán est un masculin. Nous avons dû dire este. Este huracán. Cet ouragan. Maintenant, notre se dit nuestro. N-U-E-S-T-R-O. Et il s'accorde avec le mot qui le suit. Donc, comment diriez-vous notre maison? Nuestra casa. Dites-moi maintenant, cet ouragan peut détruire notre maison. Este huracán puede destruir nuestra casa. Este huracán puede destruir nuestra casa. Si ça se dit su, S-U, comment diriez-vous, en utilisant le passé sans plongeoir, l'ouragan a détruit sa maison? El huracán destruyó su casa. El huracán destruyó su casa. Comme on l'a déjà vu, su signifie à la fois son et ça. Donc, avec su, il n'y a pas de problème d'accord. On l'a aussi utilisé à plusieurs reprises avec le sens de votre. Et nous l'avons également entendu dans la phrase aprenden muchas palabras y comprenden su sentido. Su signifiant alors leur. C'est donc un mot polyvalent. Maintenant, si construire se dit construir, C-O-N-S-T-R-U-I-R, et en utilisant otra pour une autre, comment direz-vous? Il a construit une autre maison. Construyó otra casa. Construyó otra casa. Comme en espagnol, on écrit les mots comme ils se prononcent, construyó s'écrit avec un Y. C-O-N-S-T-R-U-Y au accent aigu. Et destruyó aussi. D-E-S-T-R-U-Y-O accent aigu. J'espère que vous vous êtes souvenu que le mot « otro » et « otra » ne sont jamais, à la différence du français, précédés de « un » ou de « une ». « Contribuir » fonctionne comme « destruire » et « construire ». Ce sont des verbes qui ont un « y » à certaines formes et temps. Ainsi, on a « destruyo » pour « je détruis »,« destruye » pour « il » elle détruit, etc. Ce phénomène concerne les verbes se terminant par uir, U-I-R. S'ils étaient réguliers, on aurait dit distribuo, distribué. Donc, comment diriez-vous je contribue à l'organisation de la fête? Contribuyo a la organización de la fiesta. Contribuyo à la organización de la fiesta. Pour avoir ce son yo, on doit écrire C-O-N-T-R-I-B-U-Y-O avec un Y. Incluir est un autre verbe qui fonctionne de la même façon. Comment diriez-vous je l'inclus? C'est effectivement lo incluyo. I-N-C-L-U-Y-O. Et comment donneriez-vous cet ordre à une personne que vous voyez? Détruisez-le. Destruyalo. Destruyalo. Que l'on écrit D-E-S-T-R-U accent aigu Y-A-L-O. Comme c'est un ordre au vouvoiement, on est passé des terminaisons en E aux terminaisons en A. Destruyer est donc devenu destruye. Voyons maintenant un dernier verbe qui fonctionne sur le même modèle. Si fuir, s'enfuir se dit huir, H-U-I-R, Comment diriez-vous à une personne que vous voyez « S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Le chien peut fuir. » Por favor, no abra la puerta. El perro puede huir. Por favor, no abra la puerta. El perro puede huir. Ce chien n'a pas l'air très sympathique. En parlant de huir, fuir, voici une autre petite astuce, mais cette fois-ci pour traduire de l'espagnol au français. Si vous rencontrez des mots espagnols que vous ne comprenez pas et vous voyez qu'à l'écrit ils contiennent un H, remplacez ce H par un F. Vous obtiendrez peut-être un mot ressemblant à un autre mot français. Par exemple, huir donne directement fuir, donc c'est facile. Harina, H-A-R-I-N-A, donne farine, mais on comprend tout de suite qu'il s'agit de farine. Que signifie donc, d'après vous, rehusar? R-E-H-U-S-A-R. Rehusar signifie refuser. On remplace le H de rehusar par un F et on obtient refusar, qui ressemble à refuser. Et que pourrait signifier halcón? Halcón signifie faucon. On remplace le H par un F et on obtient falcon, qui fait penser à faucon. Ce petit truc ne fonctionne pas dans tous les cas, mais peut se révéler bien utile de temps en temps.